le gouvernement aimerait peut-être ça une fois de temps en temps, savoir où va l'argent des contribuables quand il est calé dans des émissions de radio, par exemple, que personne n'écoute le vendredi soir, où il y a plus d'employés que dans une station privée qui travaille à tous les jours. Après 49 semaines d'animation, il est toujours frais comme une rose, même que pour certains, il est frais tout court. Accueillons pour une dernière fois cette saison votre animateur, Jean-Philippe Vautier. Hey! Bonsoir tout le monde, il est à peine 19h, la soirée est encore jeune. Ce qui va nous laisser amplement le temps de nous remettre, de nous remettre de cette première saison absolument fabuleuse sur les ondes de radio. Ouais, franchement, là, une première saison fabuleuse sur les ondes de la première chaîne. Radio-Canada. D'une première saison en radio, donc on commencera pas à se niaiser avec ça. Fred Savard, bonsoir. Bonsoir. Hey, non, mais on va se le dire, c'est probablement la plus grande et la meilleure des saisons radiophoniques de tous les temps. Toutes émissions confondues. Non, c'est clair. Ouais. Et en même temps, les gens vont être surpris, mais ce n'est pas que nous, que Fred et moi, qui travaillons là-dessus. Il y a d'autres mondes. On est obligé de l'avouer après 50 émissions. On a quand même une équipe... Modeste quand même. On remercie d'ailleurs deux réalisateurs. Ouais. On a 8 metteurs en ondes qu'on remercie. 22 recherchistes, une centaine d'auteurs qui nous ont aidés toute l'année. Et on les remercie. Ça a l'air d'une petite équipe comme ça. Ouais. Mais c'est que l'actualité nous a beaucoup aidés. Alors, mais honnêtement, ça n'avait pas été des coupures budgétaires à Radio-Canada. Ouais. J'aurais mis l'actualité sur notre payroll. Ouais, ben c'est ça, les coupures, c'est vite dit. Ça dépend du département, Fred. Je veux dire, regarde, aux communications, par exemple, bon, ils n'ont pas eu de coupures. Peut-être sur le plan créatif, tu vas me dire. Mais budgétaire, je pense que ça va bien. Non, ça a bien été, ça. C'est pas... mais vous avez raison quand même, Fred. On a le droit de faire des jokes de même? Je pense. Mais on est renouvelé. T'as-tu signé le contrat, vous? Non. C'est pas grave. Regarde. On aura moins de promos. Promesse verbale. C'est correct. Non, mais c'est vrai, vous avez raison. On a eu une belle année à cause d'une belle actualité. Ah, franchement, là, on a commencé l'année avec le Grand Prix de 2012. Tout à fait. Qui a été presque annulé, ce Grand Prix-là, à cause des carrés rouges. On se souvient de ça. La violence de la rue. Oui. Ça, c'était fou, ça. En tout cas, contrairement à cette année, il n'y a personne qui est mort l'année passée, quand même, au Grand Prix. J'espère que Gabriel Andeau-Dubois va condamner la violence de la grue cette année. Je pense pas, Fred. Il fait plus dans la violence, Gabriel. Non, il est rendu qu'il fait dans les francopholies. Ah oui, c'est vrai. Il va lire des poèmes de Félix Leclerc. C'est assez violent, ça aussi. Oui, une alouette en colère, Fred. Ça peut te péter une vitre de guichet. Ça va le bas, hein? Oui. Mais une chose est sûre, GND aura été un de nos coups de cœur cette année, franchement. On en a pas eu beaucoup, quand même, des coups de cœur cette année. On a eu quand même pas mal de monde qui sont venus deux fois, là. Oui. Ça commence à ressembler. Les gens reviennent, moi, je considère que c'est des coups de cœur. Oui. Denis Coderre est venu deux reprises, presque trois même. Ouais. Denis, je veux dire, regarde, sa carte, lui, il vient, il n'y a pas de... Ça a paru cinq, même, des fois. Pierre Moreau, à deux reprises. Robert Poitier, deux reprises. Raymond Bachand, deux reprises. Coudonc. Des libéraux, ça. C'est pas tant que ça un nick à piquer, ça, Radio-Canada. Pas à notre émission, en tout cas. Sinon, on a reçu Pauline Marois en début d'année, qui était venue avec sa mère. Que sa mère était fière. Colline. On a reçu Daniel Breton aussi. Mais pas avec sa mère. Peut-être été moins chère. C'est pas. C'était pas. Il est venu tout seul. Oui, il est. On a eu du PQ qui d'autre aussi, Stéphane Bédard, qui est venu récemment. Oui. On s'est beaucoup amusé avec Stéphane. Pierre Duchesne, qui est venu. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il avait lu un poème à Christine Saint-Pierre. Oui. Oui. Christine Saint-Pierre, une Christine Saint-Pierre médusée. Oui. Ah oui, par Pierre Duchesne? Non, en général. C'est comme une méduse. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre aussi, un autre coup de cœur? Ah, Michel Courchaine. Ah oui, mais la parlez pour vous, c'est votre coup de cœur. Michel Courchaine, c'était réciproque. On s'aimait. On s'aime encore. Oui, d'ailleurs, vous avez invité pour faire son sapin. Est-ce que vous l'avez défait finalement, le sapin? Noël, parce qu'il doit être chasse un peu, là. Non, je pense qu'elle a dû l'arroser depuis. Au PLQ, il arrose pas mal. On l'a vu, la commission, il n'y a pas de... Ça doit être humide. Mais il faut dire, on n'a pas eu juste des coups de cœur, on a eu des hauts le cœur aussi, ça arrive, c'est une longue saison. Lâchez André Boisclair, voyons donc! Je ne l'ai même pas nommé! Non? Non! Ah, ben ça doit être subconscient, je pense. En tout cas, il n'y a pas juste eu lui comme Holker. Il y a eu les sandales d'Amir Kadir. Ah oui, sandales avec des bas. Avec des bas. Hey. Gandhi ne mettait pas de bas. Non, franchement, c'était pas. C'était assez ordinaire, ça. Hein? Oui, franchement, on a eu. Qu'est-ce qu'on a eu? Des têtes de Turcs. Oui. On a eu des têtes de Turcs. Oui. On a eu. Ah, le bon Dr. Barrett. Oui. D'ailleurs, moi, j'ai jamais trouvé ça. Je l'ai déjà répété. Je trouvais pas ça drôle, ces blagues-là. Ah, vraiment, non. Une petite blague. Non, non, non. C'était de l'acharnement. Vraiment, une là. Une petite blague du. Non, non, non. Dr. Barrett. Non. Non, non, non, j'ai vraiment pas aimé ça. Vous les avez écrites pourtant. Non. OK, c'est pas grave. Je suis démasqué. Sinon, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? François Rebello, comme ça, tête de drôle, ah, François, hein? Oui. Hein, on le salue, ouais. Où qu'il soit. Où qu'il soit. En tout cas, il n'est pas ici. OK. Sinon, ben non, ça a été une grosse année aussi. Le PQ, hein, oui. Qui avance, qui recule, qui avance, qui recule. Ah, ouais. Grosse année, surtout ouais. Pour leur transmission. Eh ben, ouais, j'espère qu'elle que est bien graissée. Ouais. Et ça regarde bien pour notre prochaine saison, là. Ben, parce oui. Des on va avoir des campagnes électorales. Oui. C'est bien sûr, ben, la campagne municipale, ben, ça, c'est sûr. Bon, campagne électorale provinciale, peut-être, au printemps, on le souhaite. Ça, c'est des campagnes électoral, là, c'est du bonbon pour des émissions comme nous. Hein, alors, c'est du bonbon, c'est de la drogue, vraiment. Hein. Ouais, c'est super addictif. Hein? Ah, c'est un peu comme, c'est quasiment comme un cocaïnomane dans un magasin de bonbons. Mais là, c'est la même affaire. Encore André Boisclair. Hey, c'est une façon de parler, Fred. Voyons donc, lâchez-les, voyons donc. Hey, mais heureusement, ce soir, on n'a pas André Boisclair pour clore l'émission, dans le sens juridique du terme. Non, je pense que non. Ça aurait pu. Ça s'en vient, par exemple. Oui, on va finir ça en beauté. D'ailleurs, on ne sait toujours pas c'est qui nos invités ce soir. Vous me gardez ça. C'est une surprise que vous me faites. Moi, je le sais, franchement, ça valait la peine d'attendre 50 émissions. C'est... Vraiment, c'est. Waouh! Ah oui? Ah ouais. C'est Jean Charest. Non, non, non, mieux que ça. Lucien Bouchard? Non, non, non, mieux que ça quand même. Ah oui? Descendez, là. Stephen Harper. Non. Ah, mais là, c'est qui? Non, je peux pas le dire. Ben voyons, parce qu'on a eu des bons invités quand même. Je peux pas croire que cette année un peu, oui, mais là, ça vaut vraiment la peine. Ouais. Ah ouais? Ah ben j'ai bien hâte de voir ça. Ben, de toute façon, je vais avoir amplement le temps d'essayer de deviner ça. Parce que la soirée est encore jeune. Olivier Niquette, dites-moi, les internets, ça ressemble à quoi? Ben oui, comme les internets ne prennent jamais de vacances, vous pourrez continuer de nous suivre cet été sur twitter.com/lasoirée, facebook.com/lasoirée est encore jeune et sur notre site radiocanada.ca/lasoirée. Ça se peut, par contre, qu'on mette juste des photos de vacances à Acapulco, mais Fred en monokini, c'est assez sexy, quand même. Parce que d'habitude, il y a un bikini. OK, on enchaîne. OK. Hey, grosse année d'actualité. Oui. Tellement que... Coudonc, y a-tu de quoi qu'on n'a pas eu le temps de parler cette année? Je veux dire, non, on a fait le tour. Ouais, hein, je pense qu'on a couvert ça large pas mal. Je pense qu'on est dupe des vacances. Ouais. OK, ben go qu'on a fini. Premier invité. Ouais. Il s'est fait connaître comme Zap Artiste dans le temps que c'était bon et poursuit depuis une fulgurante carrière d'auteur et de chroniqueur sur la première chaîne. Il est littéralement le sexe symbole de l'opinion. Accueillons M. Fred Savard! Ouais! On avait dit, ça va attendre. Hey, on était vraiment rendu au bout des invités. Hein. Non, mais quand même, j'ai une belle carrière. Non, mais c'est vrai qu'à chaque semaine, des fois, il y a des invités qui sont sur le bord de se débooker ou on n'est pas de confirmation. À chaque semaine, Fred nous dit, mais vous m'inviterez, j'ai du bagage ça, quand même. Vrai. Oui, ben oui. D'ailleurs, la première question qui me vient à l'esprit, Fred Savard. Oui. C'est quoi ce nom de scène là? Parce que c'est Frédéric Savard, votre nom. Oui. C'est qui prend un nom? C'est Molière prend un nom de scène, mais je veux dire. Non, mais sinon, c'est Voltaire, les gens. À la limite. C'est les gens qui m'appelaient comme ça, qui m'appellent comme ça dans la rue quand on me croise parfois. Les gens m'appellent JP, je veux dire, j'ai pas. Non, mais vous pourriez éventuellement pour. Ouais, ça fait un peu douche. Non, non. Mais, c'est moi aussi, à un moment donné, c'est plus court, Fred Savard, ça sonne bien. C'est vrai que Frédéric, c'est interminable. Maintenant, c'est... Non, mais... Mon Dieu, vous êtes méprisant. Non. Là, évidemment, les gens vous connaissent parce que vous étiez à la soirée, oui. Hein, au Spornographe. Oui. Vous avez peut-être travaillé avec moi. Écoutons, oui. Vous êtes, vous me suivez. Hein. Oui. Parlons évidemment de votre période noire, les apartistes. Non, mais... On fait des blagues avec ça, puis moi-même, j'en ai fait, mais ça a été une super période. C'est ça. OK. Non, mais c'est vrai, ça a été mon université, ça. Que c'est, les apartistes? J'ai fait 5 ans. Ben oui. Vous avez créé les apartistes, donc, en 2001? J'ai participé à la création, oui. Avec Christian Vanasse, François Parenteau. Il y avait beaucoup de monde. Ça prenait beaucoup de monde pour créer mais ça. Ça s'est crémé rapidement. Oui. Vous avez quitté assez tôt. Non. 5 ans, quand même. Okay. Peut-être jaloux. On la sent, la jalousie, dans vos questions. Non, honnêtement, j'ai pas de... Toujours est-il que vous avez créé les apartistes en 2001. Okay? Oui. Vous êtes un des membres fondateurs. Je lisais plusieurs textes parce que durant le début des années 2000. En fait, les appartistes ont quand même pas mal poigné. Hein. Oui. Vous avez tourné un peu partout. Oui. Vous avez été invité un peu partout. Oui. Et je lisais. Puis non, mais c'est. Je disais, faites une recherche, Fred Savard, sur Internet. Non, c'est pas nécessaire. Non, non, mais vous avez du temps, en fait, là, cet été. Ben, je la fais souvent. Non, je dis c'est pas nécessaire. Je la fais souvent, ça. Oui, non, c'est fun. Mais vous avez été quand même beaucoup dans l'actualité, oui. Dans les premières tranches des années 2000. Mais c'est vrai, on rit. Non, mais je ris, là, mais c'est pas assez drôle. Mais vous avez quand même fait la nouvelle. On se rappelle de vous en 2005. Oui. Il y a des gens riches. Pour ça, ils, Notre réalisateur est crampé, c'est bien le fun. En début 2005, le SAQ. La SAC, ben oui, la grève de la SAC. Oui. Bon, je sais pas si vous vous souvenez, je vous raconte un peu. C'est que Fred Savard, c'est pas une blague, ça avait fait l'actualité. Fred Savard avait franchi un piquet de grève en 2005, un piquet de grève des employés de la SAC pour aller se chercher un petit rosé. C'était un Borsao en plus. Un Borsao. Un vin de marde, on va se dire. Oui, tu payes 9 piastres. Je sais. Ça détruit une carrière. Non, mais moi, je suis un homme de principe. C'est ça. Donc, et suite à ça, vous avez quitté les appartistes. J'étais reconnu, en fait. Vous avez été reconnu dans la ligne. Les appartistes, évidemment, les gens de la gauche. Il y avait quelqu'un des Cowboys fringants aussi à l'époque qui avait supposément été vu. C'est quelqu'un qui avait écrit un texte dans le journal Métro pour dire qu'il était bien déçu, la gauche, ta-ta-ta, puis moi, j'avais beaucoup d'amis qui travaillaient à la SAC à l'époque et qui trouvaient cette grève complètement ridicule, qui allaient à la SAC. Là, je me disais en même temps, là, moi, c'est bon, j'ai certaines idées de gauche, certaines, mais... On vous appelait l'aile droite des appartistes. Ah ouais, j'étais le Jacques Brassard des appartistes, en fait. sans la moustache. Mais non, mais je trouvais, bon, moi, même encore aujourd'hui, je pense qu'on devrait privatiser la SAC. Là, je sais que j'ai une énormité, mais tu sais, si l'État gère l'alcool, à quand la nationalisation des épiceries? Ce que j'avais dit à Biz, d'ailleurs, quand ici il est venu parce qu'il a fait ici la même chose que vous. C'est-à-dire rire de une vous? Une attaque basse et, sur un sujet éculé. Ouais, bon, ouais. Ben, on a... Bon, on va passer à un autre chapitre de votre vie. Ben évidemment, oui. ça vient vous chercher encore. Ben non, du tout. Je regarde encore une fois votre CV et je vois que vous avez, ça c'est fascinant, vous avez travaillé pour le Bloc québécois. Oui. Chose que vous n'avez pas dite lorsque vous avez fait votre chronique sur le Bloc québécois. Non, c'est vrai. C'est un peu spécial. Mais c'est parce que M. Payet n'était pas là à l'époque. Moi, j'avais fait des bulletins de nouvelles. Il m'avait demandé de faire des bulletins de nouvelles. Je pense que c'est la campagne de 2006. Oui, non, ben 2008 en fait. 2008? Oui. Mon Dieu, que ça à partir de là, le Bloc, ça n'a pas. Et voilà, ouais. Vous avez quitté les appartistes, je disais ça, parce que vous les trouviez un petit peu trop gauche, prêchi, prêchant. Oui, un et petit peu. Probablement. Mais il n'y avait pas juste ça, mais il y avait ce côté-là, oui, un petit peu. Est-ce que c'est encore comme ça, les appartistes? Je sais pas, je suis pas retourné depuis que je suis parti. Mais, hey, je suis tellement content que vous soyez là. Ah, ouais, moi aussi. C'est mon idée quand même. C'est vrai que c'est votre idée, hein. Ouais, bon, mais vous restez avec nous toujours? Ah, je sais pas. Faites ça quand même, hein? D'un coup, j'aurais besoin de vous plus tard. OK? Hey, comme on l'a appris, on l'applaudit, Fred Savard. Merci. Très gentil. C'est pas facile d'être invité. Pardon? C'est pas facile d'être invité dans un show que tu sais, moi, je suis l'autre bord. Ouais. Je les vois, les invités, depuis 49 semaines. Puis là, je me rends compte, c'est un peu une fosse au lion. Ouais, non, vous mais êtes un intervieweur redoutable. Ben non, mais... Puis là, en plus, c'est Olivier qui arrêtait pas de jouer votre rôle, hein, puis qui en mettait. Ben puis, oui. Hein? Non, non, mais là, vous l'entendrez pas la version finale parce qu'on va l'avoir coupé, quel là. Bacard. Mais c'était sans arrêt. Alors. Bang, bang, bang! Ta gueule, niquette, tu sais, maintenant. OK. Mais... Je vous laisse vous caler. Ouais, c'est ça. Hey, comme on l'a appris la semaine dernière, le gouvernement canadien va consacrer 12 millions pour promouvoir l'histoire canadienne chez les jeunes. Ils vont également produire 4 nouvelles capsules des Minutes du patrimoine. Et à la soirée est encore jeune, on n'a pas perdu de temps. Alors voici en exclusivité une première Minute du patrimoine. On écoute. Ottawa, 1950. Monsieur le Premier ministre, il faut que le Canada combatte le communisme. Vous ne pensez tout de même pas à bombarder Radio-Canada? Non, non, commençons par envoyer des troupes en Corée. Le 25 juin 1950, le Canada envoya 21 000 soldats canadiens anglais pour combattre le communisme en Corée. Peu de Canadiens français y participèrent. Ils étaient tous hangover de la Saint-Jean-Baptiste tenue la veille. La bravoure de nos soldats permit que la Corée du Nord n'envahisse pas le Canada et que la Corée du Sud devienne une démocratie dont les fruits nous enchantent encore aujourd'hui. Il n'y aurait pas de gang Mainstall si ça n'avait pas été du sacrifice des Canadiens, des membres des Nations Unies qui se sont alliés avec une résolution pour faire en sorte qu'on repousse le communisme. Open Gangnam Style! C'est donc grâce à nos soldats que les Canadiens peuvent danser sur une chanson abrutissante pendant que notre gouvernement nous surveille. Open Gangnam Style. Un message de patrimoine conservateur. Vous êtes très bon. Ah, ben écoute. C'est mon métier, hein? Ça se sent. Un de vos métiers, Fred. Hey, la bonne nouvelle avec la fin de la saison, c'est que nous n'entendrons plus ces topos de poêle. Évidemment, ces topos de poêle, je parle de Jean-Sébastien Girard. Alors, ben, on se réjouit quand même de son départ et de la dernière de la saison. S'il vous plaît, on applaudit. Ouais. Les gens l'aiment, hein? On était cœurs, Fred. Alors, pour une dernière fois, donc la godiche de l'émission, le reporter tout-terrain Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien, bonsoir. Bonjour Jean-Philippe, comment allez-vous? Correct, correct. Ah oui, hein? Oui. Bon, mais vous le savez, effectivement, vous venez de le dire, c'est notre dernière émission de la saison. Uh-huh. Et vous n'êtes pas sans le savoir, évidemment, hein, Jean-Philippe, que j'ai été le coup de cœur de l'émission. Mmh. Un petit peu la découverte, la révélation, la surprise, l'espèce de vent de fraîcheur que la radio publique attendait depuis très, très, très longtemps. Okay. Et Jean-Philippe, j'ai pensé que pour cette dernière émission, me rendre hommage et permettre aux gens de la rue de me dire merci et témoigner de l'importance de mon travail. Alors, je vais donc faire un petit vox pop ici et demander aux gens de me dire exactement pourquoi ils capotent comme ça sur moi. Et pour ce faire, je me trouve actuellement sur le site des Francofolies de Montréal et je vais faire des entrevues comme ça avec les passants au hasard. Et l'autre côté de la rue, ben voyons donc, en seulement des petits, c'est ma mère l'autre bord de la rue. Ben oui, c'est sûr. Bon, là, évidemment, vous allez me dire, Jean-Philippe, c'est probablement arrangé, mais je vous répondrai d'aller chez le diable. Allô, maman? Ah, mon bon Jean-Sébastien, comment allez-vous? Très, très, très bien, merci. Donc, maman, voici un espace pour me rendre hommage, ma mère. Tu dois flipper sur un temps fort d'avoir un fils qui torche comme moi la radio quand même. Ben non, là, franchement, pas pantoute. Toi, avec tes maudites niaiseries, j'ai jamais eu honte de même. Je trouve que c'est des sujets insignifiants, tu ris du monde. Tu dis des gros mots. C'est bien simple, mon petit garçon, j'aurais donc dû me faire apporter il y a 37 ans. Fab-boy! T'es en forme, la mère, à soi? Mais quand même! Quelque part dans ton petit cœur de mère, je dois être au moins ton préféré d'émission. Ah, tu vas être bien déçu, hein, mais je suis au regret de t'annoncer, mon petit garçon, que j'aimerais pas mal mieux être la mère du petit Gauthier, là. Il est plus jeune, il est pas mal plus beau, il a bien plus de succès. Il a pas l'air d'un autre fille de Mongol. Bon! Mais je comprends quand même, maman, mais je veux dire, très, très, très, très secrètement, quelque part, tu dois au moins trouver que je suis le plus beau collaborateur de l'émission. Ah, mon Dieu, que tu vas être encore déçu, mon petit garçon. Écoute, non, moi, je fantasme le petit Niquette, là. Oliver, de son petit nom. Oliver. Oliver, c'est ça, Oliver. Et que je fais pas mal, lui. Écoute, je sais pas pourquoi j'ai rêvé à lui la nuit passée. C'était chaud, mon petit garçon. Pas pour arrêter ces maudits niaiseries-là. Il y a toujours pas des limites. Mon bon Jean-Philippe, je peux vous dire que je suis content qu'il y ait enfin une loi sur l'euthanasie d'adopter. Je peux vous dire qu'à la prochaine grippe, ça ne traînera pas longtemps la bonne femme. Alors... Alors, mon bon Jean-Philippe, on va poursuivre cet hommage qui sera meilleur, j'espère, dans quelques minutes. Salut! Vous écoutez La Soirée est encore jeune, animée par Jean-Philippe Gauthier sur les ondes de la première chaîne, une émission qui aimerait bien être une commission scolaire pour se voter un gros bonus avant de partir en vacances. Eh hey, ben là, c'est votre tour, mais je comprends pas, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous remplace? Ah ben, allez-y. Notre correspondant parlementaire se transforme en éditorialiste cette semaine afin de tenter de faire oublier les chroniques de Fred Savard. On lui souhaite bonne chance. Voici Jean-Philippe Cipriani! Eh ben! Eh ben! Ben, bonne chance. Ben, hein, enfin du contenu à ce segment-là qui en manquait cruellement. Non, c'est vrai. Je me sens un peu comme Esther Bégin qui remplace Mario Dumont. Mais au moins, j'ai pas la pression d'être drôle parce qu'il faut quand même pas perdre nos auditeurs. Mais je mentirais si je disais que je sentais pas de pression à occuper le créneau de Fred Savard. D'une part parce que je suis quand même beaucoup plus jeune que lui. Ouais. Et surtout parce qu'il carbure à l'excellence, en tout cas selon sa propre lecture des choses. Or, justement, la dernière année a été passablement riche en hommes également riches qui se croyaient eux aussi investis d'excellence. Mais contrairement à Fred Savard, ils carburaient plutôt à la cupidité, qui n'a pas de lien avec Cupidon, sauf peut-être l'amour pornographique de l'argent. Et ils continuent de défiler devant la juge Charbonneau. On l'a vu, les rapaces n'ont plus les airs de Séraphin Poudrier. Ces vils vénaux ont même déjà été honorables, adoubés, célébrés dans une société qui érige le compte en banque garni comme un symbole de réussite. Preuve, Fred Savard. On n'est pas appelé, on est de fous. Hein, juste... Non, mais je l'entends, Vautier, ce préjugé tenace voulant que tous les Québécois méprisent les riches, qui jalousent ceux qui ont du succès. Ce serait confondre richesse et mérite, car la majorité croit plutôt que l'argent doit se mériter, et a fortiori quand il provient de leur propre poche. Et l'adage ne vaut pas seulement pour les criminels à cravate et ou sénateur. Prenez les multiples nominations partisanes à parachute plus doré que le staphylocoque lui-même. Une culture de tape dans le dos qui se traduit par des postes lucratifs dans des sociétés d'État sur des conseils d'administration doublés de primes affriolantes. Ouais. Des salaires et un train de vie que l'immense majorité d'entre vous et moi, exception faite de vous, Jean-Philippe, ne toucheront jamais, mais qui, pour ses privilégiés, font partie du tout médu. Un système qui ne récompense pas en fonction du mérite, mais du marché. On nous répète souvent que sans ces rémunérations faramineuses, on ne trouverait pas de candidature de prestige. Sachez que le prestige, on s'en tape un peu. C'est la compétence qu'on aimerait bien voir. Non, ce n'est pas la richesse qui dérange. C'est la clique de la richesse due à l'amitié, au bon parti, aux bonnes personnes, à l'allégeance au système, celle des paradis fiscaux et des clubs privés. Mais que voulez-vous, lorsqu'on est rendu à vouloir décriminaliser la prostitution, ce n'est pas cette année qu'on va criminaliser l'opulence. Mais loin de moi l'idée de conclure cette saison sur une note négative, Jean-Philippe. Alors, pour le bien, pour bien mettre le cap sur l'été, mais avec du contenu, je voudrais souhaiter bonnes vacances à tous ceux qui ont égratigné nos unes cette année. Bonnes vacances à Gilles Vaillancourt. Profitez-en, ce sont peut-être les dernières dehors. Évitez les terrains de golf, même si vos coéquipiers sont des gentlemen à qui on ne peut rien refuser, de même que les invitations sur les yachts, les chalets et au Mexique. Bonnes vacances à Denis Coderre. Elle risque d'être longue, loin des Noëls du campeur du Canada en entier. Bonnes vacances à Justin Trudeau, qui pourrait profiter de l'été pour prendre des cours de contenu. Si Philippe Couillard a envie de s'y joindre, il est bienvenu. Bonnes vacances à Pauline Marois. Dans Gouvernance souverainiste, on cherchait le souverainisme. Maintenant, on ne trouve plus de gouvernance. Mais à force de reculer, peut-être aura-t-elle pris assez d'élan cet été pour commencer à se projeter en avant cet automne. Et bonnes vacances à Stephen Harper, loin des journalistes. Avec le réchauffement climatique, peu de chances qu'il trouve de la neige pour prendre une grande marche. Mais l'hiver va revenir vite. Et bonnes vacances aux sénateurs. Nous les souhaitons longues et définitives. Bonnes vacances à Radio-Canada, ici ou pas, et se rappeler que les fausses bonnes idées pourront toujours fournir les maternelles pour faire des dessins au recto, des affiches et du papier à lettres gaspillé. Et finalement, bonnes vacances à vous, Jean-Philippe, Fred, Olivier, Léa, même Jean-Sébastien, dont je n'aurai pas de vacances. Et comme remplaçant de Fred qui se respecte, j'irai cuver ma chronique chez Roger, où la gang du célibat cessera peut-être de s'acharner sur ma pauvre personne. Oh. Et peut-être vous reviendrai-je à l'automne au bras d'une grandiose épopée. Mesdames de vous, je ne veux pas de vacances. Oh, merci Jean-Philippe. Vous voyez, Fred, comment vous sonnez à chaque semaine? C'est pas le fun pour personne. On va aller trouver Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien! Ah, mon bon Jean-Philippe, écoutez, je pensais jamais dire ça, mais pour une fois, j'ai aimé la chronique de Fred Savard. Oui! Sinon, mon bon Jean-Philippe, je suis toujours en direct du Château Frontenac à Québec. Ah. Où ça passe pas, hein? Qui permet de dire aux gens pourquoi ils m'aiment tant? Et là, tout d'un coup, ben voyons, quel drôle de hasard, j'ai justement au bout du fil un grand ami personnel à moi, c'est le petit Gabriel Nadeau-Dubois. Allô, Gabriel! Allô! Ah, mon Dieu, je pensais qu'il était pas là. Comment ça va, Gaboun? Ça va bien, mais pourquoi tu m'appelles, là? Ben, je voulais prendre de tes nouvelles, puis j'aimerais ça que tu sois un petit peu plus gentil avec moi, Gabriel, parce que je veux quand même te souligner que c'est moi qui voulais te donner ta première chance à mon petit bonhomme en te proposant une belle chronique à mon émission « Les bronzés font de la radio ». Ouais, bon, faire le clown avec toi, j'avais mieux à faire cet été quand même. Ah oui, hein? Bon. Ben, écoute, on va arrêter de parler de moi, Gabriel. Toi, comment ça s'est passé, finalement, ton show la semaine passée au Franco? C'est le fameux show où le monde payait 100$ pour entendre un socialiste lire un poème d'un vieux gratteux de guitare. Est-ce que t'as été applaudi ou si les gens t'ont hué, mon petit fendant? J'ai été très chaleureusement accueilli, et puis c'était pas mal plus intéressant que ton histoire de bronzé. Ben écoute, mon bon Gabriel, j'espère honnêtement que c'est ta dernière intervention médiatique aujourd'hui, parce que, comme le dit si bien Sophie Durocher, on est bien tannés de se faire savonner les oreilles par le plus radical des leaders étudiants de la crise étudiante 2012. Jean-Philippe, on se retrouve dans quelques minutes. Fred, présentez-nous notre prochain invité. Je sais pas c'est qui. Il a débuté sa carrière dans l'obscurité comme recherchiste et tente de faire sa marque à la soirée est encore jeune. Il va même animer une émission cet été sur la première chaîne. Comme quoi, on a toujours droit à une 9e chance. Accueillons M. Jean-Sébastien Girard! Ici! Ben, donne-moi ta main! Donne-moi la main, maudit colon! Comment ça va? Ah, oh, Fred! Hey! qu'on est content. Hey, ça c'est rare, ça qui a l'air. Hey, Jean-Philippe. Hey, tabarouette. Mais oui, hein. C'est quelque chose. Vous êtes plus gros que... C'est vrai? Ben, je vous imaginais un peu... Ben, oui. Non, mais moi, je vous imaginais un petit peu beau. Non, mais c'est correct. Mais des cheveux, ça a des limites à ce que ça peut faire quand même. Ouais. C'est spécial. Vous étiez pas... Là, vous êtes en train de nous dire que le château Frontenac, ouais. Les francopholies, c'est tout pas vrai, ça? Non, non, mais c'est parce qu'on n'est pas en direct. C'est un secret, ce qu'on révèle pas. Fait que là, vous êtes en train de briser le punch d'un an complet. Non, pas du tout. C'est parce qu'on n'est pas en direct, c'est juste ça. Je comprends pas ce que vous voulez dire. Non plus. OK. Là, bon, évidemment, il y a une raison pour qu'on vous reçoit ici à soir. C'est certainement parce qu'on vous aime. C'est parce qu'on se doit de faire de l'autopromo. Et vous allez remplacer notre émission pendant l'été. Émission qui s'appelle « Les bronzés font de la radio ». Qui est c'est un excellent titre par ailleurs. Oui, mais vous êtes même pas bronzé. Hein? Non. Puis c'était... Encore. Hey, frère! C'est le moment, Jean-Sébastien. Je veux pas trop intervenir dans... Dans son entrevue. Ouais, mais vous êtes bien fait. Alors, je vais parler des bronzés fonds de la radio. Oui, allez-y voir. Effectivement, donc, il y a une espèce de spin-off de La soirée est encore jeune. C'est ça. Ça, donc, c'est le show dans lequel il n'y aura pas GND, c'est ça? Il n'y aura pas GND, malheureusement. Ouais, ouais. Mais il va y avoir le petit Jean-Philippe Cipriani. Personne ne m'a dit ça. Oui, oui, oui. Alors, vous serez là avec nous. OK. C'est intéressant. J'ai voulu garder le meilleur de La soirée est encore jeune. Et puis. Mon Dieu. Bah, c'est ça. Fait que j'ai gardé le petit Cipriani. Puis si Olivier Niquette m'avait adressé la parole une seule fois cette année, probablement que je l'aurais engagé. Mais il ne m'a jamais parlé dans le bureau. Il ne m'a jamais rien dit. Non, fait que pour engager, de toute façon. Il est spécial, c'est un spécial. Non, mais il y a des qualités, honnêtement. Non, mais cette histoire de Gabriel Nadeau-Dubois, ouais. On va se le dire, ça vous a donné de la bonne publicité, ça? Ben, c'est formidable. Quel show d'été aurait eu des couvertures dans Le Devoir, dans la presse, un peu partout? Non, je sais, hey, on a un show d'année, puis on n'a jamais... En même temps, on s'amuse. Ben, je me réjouis pas du départ de Gabriel, pour vrai. Je suis très triste de Qu'est-ce qui s'est passé, là? Hein? Ben, pour vrai, il y a plein de gens qui, quand ils ont vu la nouvelle dans les journaux, m'écrivaient c'est quoi la vérité, c'est quoi qu'il y a derrière ça. Mais il n'y a rien derrière ça. La vérité, c'est ce qui a été écrit. Il n'y a pas de contenu. Et... c'est ça. Ouais. Gabriel, ben, vous le savez, c'est quelqu'un, évidemment, on l'a pris pour ça, de quelqu'un de très militant, très engagé et tout. Et on a fait un pilote avec lui. Ça s'est super bien passé, mais il a fait quelque chose, justement, de très engagé, de très. Ah, il lâche pas, hein? Non, non, c'est mais ça, en même temps, c'est lui. Puis bon, il est encore tout petit, puis c'est normal. Il est encore dans cette ligne-là. Puis c'est correct. Sauf que l'émission est devenue, après le pilote, un peu plus culturelle, un peu plus légère. Ça cadrait moins. Puis moins de contenu. De part et d'autre, ben oui, c'est ça. Il y a moins de contenu. On est plus léger et tout. Ouais. Et ben lui, il était moins à l'aise avec, ah, mais vous avec ça. Ça, c'est vrai qu'il est tout petit, le petit Gabriel. Il, y a deux, il est tout petit. Frère de deux fois son âge. C'est vrai. Pensez à ça. Non, mais c'est pas une blague. Fred. On peut tous être le père de Gabriel. Vous avez 24 ans, Fred. Là, je regardais votre CV. Franchement, c'est assez impressionnant. Vous avez travaillé à l'excellente émission La soirée est encore jeune, évidemment. À l'après-midi porte-conseil, oui. Les gens se rappellent peut-être, pour ceux qui écoutaient, là, c'est pas une blague. Il y a des gens qui écoutaient. Vous faisiez les chroniques de Monsieur Truc. Ouais. Est-ce que vous vous souvenez de Monsieur Truc à l'après-midi porte-conseil? Oui, il y a deux personnes qui ont dit oui, quand même. C'est pas, Et vous avez fait évidemment plusieurs émissions. Depuis quelle année vous me... Je suis entré à Radio-Canada en 99. Ah, et mon Dieu, quel âge vous avez? Est-ce que ça se dit à l'écran? Ou à la radio? Je sais pas comment. Quelque part entre 30 et 40 ans, là. Ah, mon Dieu, c'est générique, hein? Un peu comme votre show cet été. Ouais, ouais. Non, mais ce qui m'a impressionné, OK? Et ça, franchement, je ne l'avais pas vu venir. On a entendu votre mère un peu plus tôt. Vous avez, dans les années 90, et là, peu importe l'âge que vous avez, vous étiez très jeune, 96, vous aviez organisé un hommage à Aznavour à la Place des Arts en 96. Vous étiez le metteur en scène et votre mère était l'interprète. C'est cute, hein? Ben oui, c'est... mais elle applaudissait. Ouais, ouais. Vous aviez à peine, quoi, 40 ans à l'époque? Oui, jeune quarantaine. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est en faisant la recherche, je voyais effectivement que vous aviez fait la nouvelle parce qu'on vous avait déplacé à l'époque, c'était en plein été. Pendant c'était le Grand Prix. C'était le maudit Grand Prix. Hein. Écœurant, on parle de retombées, puis finalement, c'est rien que de la merde. Ouais, Et on vous avait déplacé, vous faisiez un hommage. Comment on peut penser à faire un spectacle avec sa mère, louer la Place des Arts, être metteur en scène, vous aviez à peine quoi, 27? 19 ans, non, non. Ah, voyons donc! Mais oui, j'avais 19 ans. Arrêtez donc! Ben oui. Mon Dieu, puis comment ça se fait donc que vous avez pensé à faire ça et que ça n'a pas fonctionné finalement? Ben, ça a fonctionné quand même, ça a marché pendant 13 ans, mais c'est resté... Oui, on l'a fait pendant 13 ans. Mon Dieu, j'ai pas lu jusque-là dans mon dossier. Mais c'est un petit spectacle évidemment un peu plus confidentiel, c'était pour Wilfried Pelletier. Mais quand même, ma mère était chanteuse, donc tout petit, elle chantait tout le temps. Mais bon, elle avait une carrière comme la mienne qui décollait pas tellement, donc quelque chose d'un peu plus en marge. Ouais, ouais. Et quand j'ai commencé à étudier en théâtre à 20 ans, je me suis dit, ben, ça serait chouette de lui permettre... je me sens comme dans le train de José Lito, que ça serait le fun. C'est un compliment. Laissez-moi de lui donner. Bientôt. Non, mais ouais, mais pour vrai, on parle de deuil, tout ça. Oui. Ma mère est extrêmement malade, puis... Non, c'est une blague. Et puis... Non. Fred, j'ai une question pour vous concernant Jean-Sébastien. Oui. Si vous aviez une chronique à faire sur Jean-Sébastien, ce serait quel genre de chronique? Ah, ça, c'est... Voulez-vous que je passe à une autre question? Non, mais non, mais je ne ferai pas de chronique sur Jean-Sébastien. Non, personne ne ferait ça, mais supposons qu'on ferait ça. Non, c'est mes présentations. Non, mais j'aime aussi beaucoup le travail de Jean-Sébastien. Pas autant que lui aime le mien. Mais c'est quelqu'un que je trouve relativement drôle. Bon, il y a une certaine répétition d'une semaine à l'autre, mais ouais, le malaise, c'est toujours drôle. Ouais, ouais, garçon. Même c'est un petit peu, mais quand même. Mais non, je ferais pas une chronique sur Jean-Sébastien. J'irai pas jusque-là quand même. Ok, on va terminer avec. Le micro encore à Fred, ça vous dérange pas. Ouais. Non, mais il est payant, Fred. Ouais. Une qualité que vous enviez de Jean-Sébastien, Fred? Moi, je serais pas capable de faire. Autant, tu sais, j'ai une grande gueule dans mes chroniques, mais avec les gens. Tu sais, il y a eu des gros malaises cette année avec ses invités. Et je trouve ça fou qu'ils puissent faire ça. Moi, je serais pas capable de faire ça. Sincèrement, d'être avec Dr Mayou, dire des niaiseries. Dr Mayou, c'est peut-être pas un bon exemple, mais ben, c'est parce que c'est plus facile. Mais le gars de la prostate, là, que tu faisais ton. Tu voulais... Oui, c'est ça. Ben, c'est ça. On a fait c'était Movember. Ouais. Puis pour sensibiliser la clientèle au problème de la prostate, je suis allé me faire faire un toucher rectal avec Michel Blanc. La papesse des médias sociaux qui a encore sa prostate. Donc, évidemment, il fallait. Fallait ça a été formidable. Non, mais c'est ce que j'admets. Ouais. Il y a du guts, Jean-Sébastien. Il y a vraiment du guts de faire ça. Ouais. Puis ça, moi, je pourrais pas faire ça. C'est la seule qualité que j'admire de lui. Vous pourriez pas. Vous pourriez pas passer du temps avec Michel Blanc, mais traverser une ligne de piquetage, par exemple. Ça, vous avez pas de problème avec ça. Bon! Les gens ont plébiscité. C'est une très mauvaise observation que vous venez de faire là. Ah, les gens ont fait. Oh! Mais non, mais je ferais les deux pour vrai, avec Michel Blanc. C'est pas mon entrevue. Ouais, mais je vais vous dire un secret. On a fait le tour. Non, mais ouais, ben. On a fait le tour, c'est un petit CV. Hey, vous restez avec nous, Jean-Sébastien? Ben, j'espère. Bon, tabarouette qu'on est chanceux. Hey, Fred, faites vos présentations encore. Oui, oui. OK, oui. Hey, ben, présentez. Ouais, ben, c'est ça. Bon, ben, il clôt la première saison de la soirée d'Encore Jeune avec un florilège des meilleurs textes de la radio au jambon. C'est comme la crème des vidanges, finalement. Alors, voici la chronique d'Olivier Niquette. Hey, Olivier Niquette, parlez-nous de vos affaires. Eh bien, messieurs, comme je ne suis pas assez intéressant ou influent pour mériter une entrevue dans ma propre émission, j'ai décidé que j'allais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, moi. Commençons avec le complot qui était sur toutes les lèvres au cours du printemps dernier, la découverte par Carl Monette, Morning Man de Radio X Montréal, que je suis propriétaire du nom de domaine sortonslespoubelles.com, ce qui veut dire, en résumé, que je suis un gars... Un gars qui fait de la propagande gauche? Qui essaie de faire fermer des radios d'opinion, passe ses messages par la Société d'État de Radio-Canada. On utilise une émission humoristique, soi-disant humoristique, pour faire passer ses petits messages de gauchistes. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Seul petit problème, c'est que c'est pas moi pantoute derrière le site Sortons les poubelles. Ah. Vol d'identité, homonyme, je sais pas trop, j'y connais pas, je n'endosse aucune campagne contre les radios poubelles, un terme que je n'utilise d'ailleurs jamais. Probablement que Monette l'aurait réalisé s'il m'avait déjà écouté, mais il a plutôt décidé de lire entre les lignes de mon prestigieux CV pour trouver d'autres preuves accablantes contre moi. Et regardez dans son CV, il est quand même étudié en informatique. Presque. C'est plutôt écrit que j'ai étudié en urbanisme et en administration. Mais on va être honnête, c'est vrai, je suis capable de faire un site web avec WordPress, une plateforme tellement simple que même Carl Monette serait capable de l'utiliser. En tout cas, un jour, j'écrirai un livre pour raconter toutes les autres faussetés dites à mon sujet, mais heureusement, après plusieurs semaines d'enquête intensive, Monette était... ben, il était toujours au même point. Sortonslespoubelles.com, ça a été fait par de la gang de l'extrême gauche, bien sûr. Vous avez un certain Olivier Niquette à Radio-Canada qui, en tout cas, virevolte autour de ça. Autant d'incompétence me fait virevolter. À moins qu'il fasse semblant d'être incompétent juste parce que c'est vraiment le fun à dire extrême gauchiste payé avec mes taxes. Vous savez ce qu'on dit, hein? Faut jamais laisser les faits se mettre dans le chemin d'une bonne histoire. Plus récemment, Mario Tremblay, pas le joueur de hockey, là, mais l'animateur d'une émission de fesses à Radio X, avait aussi un mot à dire sur ma grande obsession. C'est quoi cette affaire-là? Ce gars-là, il... faut faire attention à ce que je dis, là, mais ça frise comme... Maladie mentale, qu'ils disent? La maladie mentale! J'avoue que j'ai quelques maladies mentales, mais je ne pense pas qu'il faille être malade mental pour écouter Radio X, me semble. J'aimerais quand même préciser que le très gros de mon temps est consacré à écouter les médias de masse, Cogeco, TVA, VTL, ici, pour trouver des propos extrêmes ou contradictoires. Puis quand j'en trouve pas, ben je lance ma ligne à l'eau à Radio X, puis j'empêche un troc en quelques minutes. Fait qu'avec l'arrivée de Radio X Montréal, là, j'ai pas mal trippé, contrairement à ce qu'ils croient. On parle de Radio X Montréal. Eux autres, ils trippent pas pantoute, là. Ils font semblant qu'ils trouvent ça drôle, là, mais j'ai l'impression que dans les meetings, ils ont un petit buzz. Là. C'est vrai qu'on a souvent un petit buzz en meeting, mais c'est pour d'autres raisons. Sinon, ben, qu'est-ce qu'ils ont dit sur nous? Ben, il y a un auditeur qui a téléphoné pour parler de Fred. Oui. Fred Savard se clenche à peu près n'importe qui dans une chronique. Il est très drôle, il a un humour très profond. OK. Puis c'est le petit chien de poche de Vautier. C'est là que tu jappes. C'est mon coming out. Ouf, ouais. Ouf. C'est ça. Mais c'est assez vrai. Mais c'est correct. On l'a dit tantôt. Ben oui, il y a aussi Léopold Lauzon qui, après le passage de Jean-Philippe au franc-tireur pour parler de Radio X, a dit tout haut ce que plusieurs pensent tout bas, etc. Mais des deux pics de même, puis les trois qui avaient invité, c'était trois bébés, trois pseudo-intellectuels, là. Vous êtes démasqués. Oui. Ben, un autre classique, Patrick Lagacé et Jean-Philippe Vautier, c'est... C'est ces deux ultra-gauchistes, ouais. Membres de la police de la pensée, là, c'est des lieutenants-chefs, ça, là. Ce qui fait de Fred un chien policier de poche. Puis sur Jean-Sébastien, ben j'ai rien, mais je pense qu'il est inclus là-dedans. Ouais, oui. Les donneurs de leçons, là, les enfants rois de Montréal là, qui font de la radio le vendredi soir et qui ont plus de salaire que nous autres pour pas d'auditeurs. Ouais. Là. Eh oui. Sinon, en général, la principale critique qu'on nous fait, là, ben c'est qu'on n'est pas drôle. Puis j'essaie d'être objectif puis de trouver ça drôle. Au mieux, j'ai peut-être souri un quart de seconde. Ben, d'ailleurs... Je dis un quart de seconde, c'est mieux c'est que... Tu dis, regarde, dans le bois clair, il n'a même pas souri une seconde. Ben non. D'ailleurs, Laurent Proulx ne comprend pas trop pourquoi il y a des gens qui rient pendant l'émission. Je sais. C'est cute, les rires en canne. Ouais, c'est ça. Ils sont quatre à rire ou... C'est quoi que c'est pas? Ouais, ben c'est un clip audio, je le sais pas, là. Non, je pense que notre public sonne cacane. mais le commentaire le plus chien, là, c'est celui-là. Au début, j'écoutais cette émission-là vendredi passé, puis je me disais, hein... On dirait les grandes gueules à la Radio Canada. Oh, c'est chiant, ça. Hein, ça fesse, hein? Ben, ouais, c'est pas fin. Non. Autre chose qu'on entend souvent, ben, c'est qu'ils s'en sacent comme dans l'an 40 qu'on rit d'eux. Sylvain Bouchard. Puis ils se payent notre gueule. Sais-tu quoi, je m'en sac comme dans l'an 40, là. Moi, j'ai pas de temps à perdre à écouter leur show de radio. Si eux autres, ils en ont à écouter le mien, ils ont d'excellentes conditions de travail. Bravo, les gars, vous avez une bonne convention. Ouais. Merci, en fait, merci à notre syndicat. Ouais. Monette aussi, ils s'en sac. Parce que là, faire des jokes, pis de l'humour noir, pis gars, on se tape dans la main, pis haha, radio jambon. Hey, je m'en sac comme dans l'an 40. Il me semble que l'an 40 reçoit beaucoup d'attention pour quelque chose dans ton sac. Hein? C'est bizarre. Et pourquoi ils s'en sacrent? Parce que derrière leur façade de gars fâchés, là, ils ont un incroyable sens de l'humour, mais aussi parce qu'anyway, personne nous écoute avec nos micro-pénis. Pis, tu sais, j'utilise l'expression micro-pénis. Ouais. Micro-pénis médiatique, parce que même en érection, t'as pas d'impact. Je veux dire, regarde, tu sais, à un moment donné, faut que tu laisses ces gens là se crosser entre eux autres. Malgré que la masturbation rende sourd, nous entendons tes critiques constructives, mon Denis. D'ailleurs, ça vient quand même de loin, le fait que notre émission pogne pas. C'est la suite de ce pornographe qui marchait pas. Ils ont prétexté faire une nouvelle émission. Ben, c'est parce qu'il y avait plus d'idées pour parler de sport, fait qu'ils ont décidé, hey, nous autres, c'est qu'on est hot. On va parler d'actualité. C'est pas faux, par exemple. Je sais pas si vous suivez, là, mais le pornographe, ça pognait pas, fait que Radio-Canada s'est dit, on va leur donner une promotion. Selon cette logique, là, d'après moi, on va se ramasser avec une émission de TV le dimanche soir dans pas long. En conclusion, là, je dirais que notre émission est une excellente façon pour eux de faire croire qu'ils font pitié. Est-ce que ça va nous empêcher de continuer à être pas drôle pour notre public inexistant? Sûrement pas, parce qu'avec des rires en canne, on peut tout faire. Merci, Olivier! Ah ben, il n'est pas question de clore notre première saison de La Soirée est encore jeune sans écouter une dernière fois un extrait de Kevan Gosselin du Radio X Jazz. Vous écoutez Radio X Jazz, la radio qui swing, toujours du même bord. C'est l'émission des airs d'Arien sur les ondes du Radio X Jazz. Kevin Gosselin au microphone pour une dernière fois avant de m'en aller, comme le disait le jazzman Jerry Boulet, un autre tartiste de gauche grassement subventionné. Je prends donc une pause de la radio cet été, question de me reposer, mais surtout gagner ma vie honorablement. Je retourne donc à ma première passion, c'est-à-dire doorman au bar de danseuse de mon chum Normand. D'ailleurs, j'ai fait un erratum il y a quelques semaines, j'avais parlé du trou Normand, mais c'est bel et bien le trou à Normand. C'est mon erreur, ce n'est pas tout à fait la même gastronomie. Alors je remercie mes auditeurs qui m'ont écouté cette année malgré l'intimidation et les menaces. On le sait, gauche égale violence. D'ailleurs, je remercie les gens du RLQ qui ont publié sur Twitter cette semaine un excellent texte qui prouve que le nazisme était un régime socialiste. Alors PQ égale nazi, pas besoin d'un doctorat en mathématiques pour comprendre cela. Alors merci, chers auditeurs, je peux même vous nommer tous. Alors Sandy, Pete, Marco, Cathy, Dave, Sandra, Bob, Chuck. J'en oublie peut-être un ou deux, mais merci d'avoir été là. Alors on se laisse sur une musique qui me donnera du courage cet été. Une pièce de Woody Herman. Alors on écoute I've Got the World on a G-String sur les ondes du Radio X Jazz, le 91, blanc. Oh, bon Dieu que c'était drôle. Il paraît que non. Non, ah ben je sais pas. On va aller retrouver Jean-Sébastien Girard qui était assis à côté de moi mais qui est maintenant probablement rendu à Toronto, je sais pas. Ah, Jean-Sébastien? Jean-Philippe, comment allez-vous? Ben, ça va assez bien depuis que c'est fini avec vous. Ben voilà, toujours en face donc de la tour du CN à Toronto, où je permets aux gens de me rendre hommage. Et bon, jusqu'à maintenant, vous allez le reconnaître, c'était un peu mitigé. Ouais. Évidemment, tout ça est pas scientifique. Hein. Je persiste. En général, le monde m'aime bien gros. Je vais donc conclure mon vox pop ici. Et là, oh, attention Jean-Philippe. Oui? Ben voyons donc, quelle coïncidence, mon idole radiophonique, mon grand modèle, mon mentor, celui que j'aimerais devenir... Le grand Michel des hôtels traverse la rue et lui, Jean-Philippe, contrairement aux deux autres intervenants, il va sûrement avoir des bons mots pour moi. Vous le savez, c'est un collègue et entre collègues, il n'y a que du respect et jamais de bitchage. Monsieur des hôtels! Monsieur des hôtels, bonjour! Oui. Bon, alors Monsieur des hôtels, vous me reconnaissez sûrement, je suis le reporter de l'émission La soirée est encore jeune. C'est Vautier votre nom, vous? Non, Girard. Ah non, c'est vrai, Vautier, lui, il a les cheveux sur la tête, pas d'en face. Bon, eh bien, je veux savoir, vous avez sûrement eu l'occasion d'écouter souvent mes reportages. Est-ce que vous m'aimez bien gros, vous aussi? Pas vraiment. Ah non? Pas vraiment. Je vais vous dire pourquoi. Moi, je suis cette année, ça fait 40 ans que je suis à Radio-Canada. Bravo, d'ailleurs. Merci. C'est de plus en plus difficile de faire de la radio intelligente, avec du contenu. La radio qui respecte ses auditeurs, mais leur tête aussi, et pas sûrement leur mandibule. Moi, je trouve que dans une radio communautaire, quelque part dans le fin fond de la province peut-être, mais à Radio-Canada, c'est un peu court, votre affaire. Je me trouve un peu dur à mon endroit. Non, mais par contre, il n'y a pas que vous. Il y a une jeune femme qui vous remplace parfois lorsque vous êtes en vacances. Oui, Catherine Desdormeaux. Excellent. Moi, je rêve que vous ayez de longues vacances. Ah oui, hein? Et je vais vous déstabiliser un peu parce que moi, vous savez, je vous aime. Oui, mais tant mieux, vous avez du goût. Votre mère aussi, probablement, je sais pas. Vous... Non, même pas, maman. Je vous aime pas. Pourtant, ça me trouve un peu niaiseux. Par contre, il y a Fred Savard. Si, je sais pas si c'est dans l'émission d'aujourd'hui. Si vous... Oui. Fred Savard. Ah, que là. Ça, c'est beau. J'avoue que là, c'est impressionnant. Mais vous savez, monsieur des hôtels, je suis maintenant comme vous, je suis maintenant un animateur. Cet été, je vais animer une émission comme vous, et l'émission s'appellera « Les bronzés font la radio ». Les bronzés font la radio, oui. Ça, c'est fort comme titre. Vous trouvez, hein? Non. Bon, ben écoutez, je vous remercie beaucoup, je vais vous libérer. Vous pourrez donc en profiter pour aller bumper d'autres émissions, pour travailler à votre rythme selon l'horaire qui vous convient. Merci beaucoup, monsieur des hôtels. Ça m'a fait plaisir. Bon, Jean-Philippe, désolé, hein, j'ai pas pogné des intervenants très très pertinents. Pour le reste, je peux vous annoncer officiellement que je quitte l'émission. J'ai pas envie de revenir l'année prochaine parce que je suis maintenant animateur, je vous le répète. Et au pire, si on me fera pas d'animation, je ferai comme vos deux losers, Fred et Olivier, et je reviendrai me contenter d'une chronique de marde à votre émission de poêle. Merci beaucoup Jean-Sébastien bon pour cette belle année. Hey, fait qu'il nous reste quand même quelqu'un, hein? Fred Savard, notre dernière chroniqueuse de l'année! Ouais. Elle a fait ses premières armes à la radio à notre émission et à l'infime privilège de la terminer avec nous! Voici la délicieuse chronique de Léa Strelitzky! Hey, Léa! Ouais, la dernière de l'année! Tu vois, vous avez la même robe que la semaine passée avec le même trou. Vous m'êtes toujours là pour me mettre à l'aise. J'aurais dû demander à Christiane Charrette tantôt, c'est la même job, mais là, en tout cas, la semaine dernière. La semaine passée. Ouais, je sais, ça. C'est pas grave. Enfin, je tue la magie de la allez-y, radio. Qu'est-ce que vous avez là? Vous avez le tantôt large. Le quoi? Le tantôt, non, ouais, d'une semaine, c'est pas grave. Allez-y. Non, mais je vais conclure l'année en faisant une espèce de palmarès insolite. Ça va être comme un peu un gala des Oliviers, sauf que j'espère que Fred va rester jusqu'à la fin. Il est parti tôt, Fred. Je vais essayer. Ouais, non, je me mets pas trop de pression. Que ça soit très bon. Donc, pour commencer dans la catégorie l'homme de l'année. Le gagnant est un homme de Hong Kong qui souffre d'une rare maladie génétique qui a découvert à 66 ans qu'il était en réalité une femme. Oui, ben oui. Mais c'est vraiment pas si rare comme maladie génétique être une femme. Non, Sincèrement, on est comme plus que 50% de la planète. Ah ouais, je suis un peu tanné qu'on nous traite en minorité, sincèrement. Ben, regarde, c'est okay, ça que je m'en vais. Mais je m'y attendais, vrai, là. Si tu savais que je m'y attendais. On s'est entendu. Voyons, continue. Une dernière affaire féministe, ça va être ça, là. Non, non, ben, regarde. Je viens de dire qu'on était une maladie génétique. Ouais, ça, tu l'as pas. Ok, continuez. Dans la catégorie femme de l'année, la gagnante est une Népalaise qui a gravi l'Everest deux fois en une semaine puis qui a déclaré que escalader l'Everest est très difficile pour les femmes parce qu'il n'y a pas de toilette. Ah. Effectivement. Ça, c'est vous autres, ça. Non, mais je sais pas comment elle est faite, mais quand même, faire pipi, aussi, hein, c'est moins compliqué qu'escalader deux fois l'Everest en une semaine. Ben, c'est plus compliqué que pour vous, mais quand même. Je sais pas comment elle est faite, mais ça a l'air weird, son affaire, en tout cas. Dans la catégorie l'animal de l'année, mon gagnant, c'est un pan du zoo de Moncton qui a réussi à s'échapper pour quelques heures. Ben, je sais pas, je trouve ça cute, moi, un pan qui pense qu'il va passer inaperçu. Je voulais saluer ses efforts, tout simplement. C'est tout. Cheers. Okay, c'est tout. Prochain. La citation de l'année maintenant, elle appartient à notre bon Justin Bieber, hein, qui a visité la maison d'Anne Frank à Amsterdam et a dit cette phrase désormais célèbre. Anne Frank était une fille bien. Avec un peu de chance, elle aurait été une de mes fans. Oui, un peu de chance quand même. Ouais, c'est vrai qu'ils en ont manqué de chance, hein, les victimes de l'Holocauste. En même temps, merci Justin de l'avoir souligné, c'était le fun. Puis en même temps, heureusement qu'Anne Frank n'était pas une Bieber parce que imaginez comme son journal, il aurait été plate. Oui, ça aurait été moins marquant. Tu sais, I love Justin sur 150 pages. Je pense qu'elle aurait préféré juste vivre qu'être fan de Justin Bieber. Ouais, être une grand-mère éventuellement. Ou regarde, mais bon. En tout cas, et dans la catégorie Grand Prix de la nouvelle insolite de l'année, ça va, Fred? Ouais, ça va très bien. Là, il cogne des clous, il n'y a pas de. Non, non, mais. Ton lambago, ça va bien. J'ai l'air de cogner des clous, mais c'est pas ça du tout. Je suis super attentif. C'est l'alcool. C'est son air aussi, là. Je t'en manque de gluten. Ouais, presque 8 heures, là. Faut savoir qu'on a de la bière sans gluten. On le dit à chaque semaine. Bon, allez-y. Et dans la catégorie Grand Prix de la nouvelle insolite de l'année, les gagnants sont les deux touristes français dont l'auto s'est fait attaquer par un orignal dans le parc national. Je trouve ça juste extraordinaire que ça soit arrivé à des Français. Mais sincèrement, ils pensent déjà qu'on vit dans des chalets en bois rond, qu'on se nourrit de cueillettes et de chasse et pêche. Ah oui, je sais, c'est fascinant. Sincèrement, que ça arrive à deux Français, imagine ça, ils rentrent en France, mais ils racontent cette histoire-là. Putain, du coup, ça le fait. On s'est fait charger par des caribous. Plein Montréal. La prochaine vague d'immigration, ils s'en viennent nous évangéliser, c'est sûr. Ah ouais, élever c'est des sauvages, ça va être extraordinaire. C'est clair. Donc, merci à la vie pour cette magnifique nouvelle insolite. Et moi, je vous dis à l'année prochaine. Hey, merci! Parce que oui! C'est la fin! C'est déjà tout pour cette première saison de La Soirée est encore jeune. Restez à l'écoute, c'est le cabaret Pion les Fous et c'est Bande à part. Merci à toute l'équipe, Valentine Ticotte, Jean-Louis Gagnon, Steve Côté, Philippe Robert, j'ai Nicolas Arguindé et tous ceux qui ont travaillé à l'émission cette année. Je vais en oublier, mais j'en nomme comme ça Julie-Christine Parent, Marie-Claude Bocage, Barbara Judicaron, Pierre Terrien, François Lemay, Marie-Hélène Vautier et plusieurs autres. Et Catherine Desormeaux qui n'était pas là cette semaine, évidemment. Et un gros merci à tous nos auditeurs, les gens à la maison et notre merveilleux public. C'était la dernière de la saison. On vous laisse entre les mains des bronzés fonds de la radio et du bon Jean-Sébastien Girard. C'est à la même heure, au même poste, la même journée. On se revoit le vendredi 23 août. Ici Jean-Philippe Vautier qui vous souhaite de profiter de cet été qui est encore jeune!